الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبحمد الله تبارك وتعالى أتممنا في هذه الليلة لشرح رسالة الأصول الثلاثة للعلامة المجدد إمام الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. Par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala et son aide, nous avons fini l'explication du livre des trois fondements de l'auteur Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui accorde sa miséricorde et l'élève en degré au paradis. Et nous commençons également ce soir, avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'étude du livre Al-Qawa'id Al-Arba'a, du même auteur. Donc les quatre fondements de l'auteur Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et nous sommes la nuit du vendredi, ou bien la nuit du samedi, le quatrième jour du mois, ou bien le 4 du mois de Safar, de l'année 1435, ce qui correspond au vendredi 6 décembre de l'année 2013. فَإِنَّ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعِبَادِهِ أَنْ أَرْسَلَ رُسُلًا يَدُلُّونَ الْخَلْقَ إِلَى رَبِّ الْعِبَادِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَيْ يَعْرِفُوهُ فَيَعْبُدُوهُ عَلَى بَصِيرَةٍ. Parmi les grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde sur ses serviteurs, le fait qu'il ait choisi parmi ses créatures les meilleurs, afin d'en faire des prophètes et des messagers. Ils appellent leur peuple à la connaissance d'Allah, afin de l'unifier d'un culte sincère, de l'adorer lui seul sans rien lui associer. Wala shakka anna khatamahum wa afdalahum nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa qad mat sallallahu alayhi wa sallam. Lakin min rahmatillahi azza wa jal bina an qayyada fi kulli qarn مجددا لدينه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن هؤلاء الأخيار ومن هؤلاء العلماء الربانيين العلامة المجدد الإمام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي رحمه الله تعالى. Allah tabaraka wa ta'ala nous a donc envoyé depuis l'apparition du shirk sur la terre, des prophètes et des messagers. Le premier d'entre eux était Nuh alayhi salam, et le dernier d'entre eux, dernier prophète, est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et sans aucun doute, il est décédé sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, sa bonté et sa bonté envers ses serviteurs, a fait qu'il a mis à chaque époque une personne qui vient revivifier sa religion et la voix de son noble prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les plus grands imams qui ont revivifié la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, parmi les plus grands prédicateurs, parmi les plus grands savants, il y a Al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ce grand revivificateur de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il naquit dans une famille pieuse et savante. Comme nous l'avons cité à plusieurs reprises, son père faisait partie des savants et son grand-père également. Il a donc eu accès à la science depuis son plus jeune âge. Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé de grandes facultés, que ce soit dans la mémorisation, dans l'intelligence, et il lui a fait aimer la science depuis tout petit. Il a donc, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, mémorisé le Coran avant la puberté, très jeune, aux alentours de l'âge de 10 ans ou avant. Il a étudié, puis est parti à la recherche de la science, que ce soit à Mada, à Médine ou à Mecca, ou même en Irak, fil Basra, et dans d'autres endroits. Après avoir pris beaucoup de sciences dans différents domaines, dans différentes matières, il est revenu dans son peuple. Il a vu que dans son peuple, il y avait de nombreuses choses qui étaient en contradiction avec ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aimait et agréait. Il y avait dans la péninsule arabique énormément de politisme. Les gens se dirigeaient vers Allah tabaraka wa ta'ala, donnaient la demande de secours, la demande d'aide, la demande de protection, le sacrifice, le vœu et d'autres adorations que seul Allah mérite. Il donnait cela, il vouait cela à d'autres. Wal'iyadu billah. Le politisme s'était donc propagé au point où celui qui n'invoquait pas autre qu'Allah était montré du doigt, était stigmatisé, et on disait de lui qu'il n'aime pas les gens pieux, il n'aime pas les awliya. Et par la grâce d'Allah, Allah lui a fait comprendre la religion véritable, pure. Il est donc revenu dans son peuple et a basé son prêche à l'image des prophètes et messagers alayhi salatu wassalam. Il les a donc appelés à la ilaha illallah. Il leur a expliqué la ilaha illallah. Il leur a expliqué ce qu'est l'adoration et qui est le seul à la mériter. Il leur a expliqué la bonne finalité des monothéistes et la dure finalité des polythéistes. Il a donc basé son prêche sur la purification de la croyance, sur le monothéisme pur, à l'image des prophètes et messagers. Allah subhanahu وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ. Allah nous dit dans son livre, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, n'adorez qu'Allah et éloignez-vous de ceux qui adorent en dehors de lui. Il a donc prêché à cela, que ce soit avec des livres, que ce soit avec sa parole et ses actions. Le meilleur livre qu'il a écrit est Kitab al-Tawhid. Parmi ses ouvrages, Kashf al-Shubuhat, parmi ses ouvrages, Al-Usul al-Thalatha, et parmi ses ouvrages, l'ouvrage qui est devant nous, Al-Qawa'id al-Arba, les quatre fondements. Hadhihi ar-Risala fi tashih al-I'tiqad. Ce livre, cet épître, est un livre qui vise à purifier la croyance. C'est un livre sur la croyance. ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى خلاصة دعوة الأنبياء والرسل. Dans ce livre, l'auteur a cité le résumé du prêche des prophètes et messagers. والفرق بين الموحدين والمشركين. Il nous a enseigné la différence qu'il y a entre les polythéistes et les monothéistes. وبين لنا حقيقة التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء والرسل والمصلحون بعدهم. Il nous a expliqué la réalité du monothéisme, ce à quoi ont prêché et appelé tous les messagers et prophètes, et ceux qui les ont suivis par la suite avec excellence. Il nous a cité que les polythéismes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont reconnu qu'Allah était unique dans ses actions envers ses créatures. Ils ont reconnu Tawhid al-Rububiyya, mais lui ont donné des égaux dans la divinité. Cela n'a pas fait d'eux donc des musulmans. L'auteur nous a également cité pourquoi est-ce que les associateurs ont invoqué autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, malgré le fait qu'ils reconnaissaient son unicité dans la seigneurie. Puis il nous a cité qu'ils ont divergé dans leur culte et qu'ils n'avaient pas tous le même chemin dans l'adoration et leur égarement. Et il a conclu ce livre avec la finalité, qui est que le polythéisme des gens contemporains a dépassé dans certains domaines le polythéisme des anciens. Wallahu musta'an. Ce livre est un livre très important, auquel les grands savants donnaient beaucoup d'importance. Et ils ont fait à son sujet, ils ont dit de nombreux éloges. Ibn Baz rahimahullah ta'ala et d'autres nous disent, celui qui étudie ce livre et le comprend parfaitement aura la science nécessaire pour distinguer entre la religion des polythéistes et la religion des monothéistes. Et il nous dit également, Ibn Baz, وأغلب الخلق لا يفهمون هذه القواعد. Il nous dit malgré ça, yani ça a été exposé dans le Coran, ça a été défini dans le Coran. Malgré ça, la plupart des créatures n'ont pas compris ces règles. La plupart des créatures n'ont pas compris ces règles. إذن هذا الكتاب مع صغار حجمه. Donc ce livre, malgré le peu de feuilles qu'il contient, c'est un livre très important, enfermant une grande science. Donc on voit l'importance d'étudier ce livre Al-Qawa'id Al-Arba'a. L'auteur a intitulé cette Risala Al-Qawa'id Al-Arba'a, les quatre fondements. Qawa'id, jam'u qa'ida, wa huwa al-asas. Wa min huna نفهم أهمية دراسة هذه القواعد لأن القاعدة أساس البناء. L'auteur a appelé son livre, a intitulé son livre Les quatre fondements. Les quatre fondations. الأربعة, car il a cité quatre règles dans ce livre. القاعدة الأولى في الربوبية والثانية في الألوهية الثالثة في بيان معنى الشرك وضابطه والرابعة هي النتيجة. La première règle se réfère à التوحيد الربوبية. La deuxième, التوحيد الألوهية. La troisième, à la réalité du polythéisme. Et la quatrième, c'est la finalité. هذه القواعد أخذها المؤلف رحمه الله تعالى من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. l'auteur a pris ses règles du Coran, de la Sunna, et cela en conformité avec la compréhension des pieux prédécesseurs. يقول العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى الواجب أننا نرجع في تقعيدنا إلى الكتاب والسنة فهذه هي طريقة السلف خلافا لأهل الأهواء يعتقدون ثم يستدلون فضلوا وأضلوا. Le grand savant صالح الفوزان حفظه الله تعالى nous dit ce qui nous incombe pour mon fondement et les règles religieuses, c'est de revenir au Coran et à la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Contrairement aux gens de la passion qui ont ou qui optent pour des croyances, pour des fausses croyances, puis en cherchent les preuves. Ils se sont donc égarés et ont égaré les autres. بدأ المؤلف بالبسملة. قال بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة على عادة أهل العلم اقتداء بكتاب الله العزيز. فما من سورة إلا وهي تبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. ما عاد سورة براءة التوبة. ثانيا اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا راسل الملوك بدأ بالبسملة كما في رسالة إلى هرقل قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم وكما في صلح الحديبية قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. Donc l'auteur a commencé par la basmala pour plusieurs sagesses. Pour prendre exemple sur le Coran, comme vous le savez, toutes les sourates du Coran commencent par la basmala, excepté sourate al-Tawbah, le repentir. Pour prendre également exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier lorsqu'il envoyait des courriers des lettres aux différents gouverneurs et aux gens pour les appeler à l'islam, il commençait par dicter Bismillahir Rahmanir Rahim. Comme lorsqu'il envoyait la lettre à Hirakl, il a dicté Bismillahir Rahmanir Rahim de la part de Muhammad, le messager d'Allah, à Hirakl, le grand des Romains. Et comme dans Sulh al-Hudaybiyah, dans le pacte, il a dicté, écrit Bismillahir Rahmanir Rahim. Les associateurs ont dit, on ne connaît pas Rahman. Subhanallah. Tayyib, jusqu'à la fin du hadith. Troisièmement, Talaban. Troisièmement, pour rechercher l'aide auprès d'Allah dans ce qu'il entreprend. Car le bas dans Bismillah, bas ou l'isti'ana, c'est le bas de la demande d'aide. C'est le bas de la demande d'aide. Et pour d'autres raisons que les savants ont citées. نكتفي بهذا في هذه الليلة وفي الأسبوع المقبل تابع. إن شاء الله بقية المقدمة وما يسر الله سبحانه وتعالى نسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا إلى كل خير وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.